Même, vous avez dit même, depuis l'épisode 68 sur la mémétique présenté par Franck, nous n'arrêtons pas de tourner autour du pot. On voit des mèmes partout, peut-être même là où il n'y en a pas. On s'interroge sur les critiques quant à la scientificité ou pas de la discipline. Le sujet de Franck se voulait une introduction à la mémétique, alors ça, c'est fait. Mais en rester à une introduction qui laisse sur sa faim, c'est pas vraiment le genre de la maison. Comme nous avons atteint les limites de nos connaissances sur le sujet, ben Franck s'est saisi de son carnet et nous a déniché de vrais méméticiens en chair et en os pour répondre à ces questions qui nous obsèdent depuis maintenant un mois. Vous êtes sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, épisode numéro 72 ou 72 ou 50-22. Non, ok, on va pas lancer un nouveau mème. Allez, bonsoir et bienvenue. Alors, aux commandes ce soir, c'est Alan, alias Professeur Fun. Aujourd'hui, l'émission sera plus longue que d'habitude. Nous avons prévu 1 h 30 au lieu des désormais traditionnelles 60 minutes, histoire d'avoir le temps de faire vraiment le tour de la question, sans être, comme toujours, pressé par le temps. Avec nous ce soir, nous accueillons en direct de Paris Pascal Jouxtel, méméticien, auteur du livre Comment les systèmes pondent et fondatrice française de mémétique. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Nous avons également Charles Mougel, méméticien également, et actuel président de la Société française de mémétique. Bonsoir Charles. Bonjour. Bienvenue à toi aussi. Nous avons avec nous notre ami David, alias Xilrian, du podcast Vie artificielle, qui viendra nous parler la semaine prochaine de transhumanisme et qui va nous expliquer en 1 minute, après l'interview de Pascal et de Charles, en quoi ça consiste exactement. C'est pour ça qu'il est là. Bienvenue à toi David. Bonjour. Alors, tu interviens bien sûr quand tu veux pendant l'émission. Merci beaucoup. Et puis, mes comparses sont là aussi. Alors, on n'entendra pas Marco ce soir car il est côté public. Il va nous inonder de commentaires via le système de commentaires du live. Et puis, il va nous faire signe si l'un ou l'autre d'entre nous a un problème de son. Hélène est là, par contre. Salut Hélène. Oui, bonsoir. Alors Hélène sera le personnage de l'ombre ce soir, avec un œil sur Twitter et l'autre sur les commentaires du live, pour saisir les questions des auditeurs à la volée et puis les relayer dans l'interview. Donc Hélène, bien sûr, tu nous interromps quand bon te semble, dès que tu vois quelque chose à dire. Et Mais puis là, il y a nous... déjà Marco qui dit bonsoir. Ah, salut Marco. Bonsoir Et Marco. puis, nous avons bien sûr, et surtout j'ai envie de dire, Franck, qui a tout organisé et qui a préparé l'interview. Salut Franck. Salut tout le monde, je suis content de revenir de punition parce que j'ai été puni la semaine dernière et je serais content de recevoir nos invités. Ben, ça fait plaisir. Donc tu vas être sage cette fois, histoire de pouvoir rester la semaine prochaine. Je vais essayer, mais je n'irai pas jusqu'à dire 70 à la Suisse. Bon, on va pas lancer le débat sur le sujet. Franck, je te passe tout de suite la parole, rassure-toi, mais juste avant, je voudrais juste un petit peu fixer le cadre de l'interview. Donc, on a vu qu'on a certes un peu plus de temps que d'habitude, mais on a évidemment une question de prévu. On a un peu plus d'une heure à disposition pour toutes les traiter. On aura certainement aussi quelques questions non prévues, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de vraiment s'en tenir au fil conducteur que tu as prévu et éviter de partir dans tous les sens. Donc, on se permettra de recadrer si jamais on dévie trop. J'espère que tu avais prévenu nos invités que le match va se jouer très rapidement et qu'on espère ne pas les épuiser avant la fin de la partie. Et sur ce, ben, cher ami, je te passe la parole. Franck, nous t'écoutons. D'accord. Bon, alors je vais pas faire de retour sur la mémétique, enfin de retour aussi long que la présentation que j'ai pu faire dans la dernière émission sur la mémétique, mais juste pour rappeler le principe, en fait, je voulais rappeler juste ce que c'est qu'un mème. Donc, est-ce qu'il y a l'un de nos invités qui a envie de brièvement expliquer, donner un exemple pour nos auditeurs de ce qu'est un mème? Pascal, peut-être. Bah, moi non, mais Charles veut le faire, oui. C'est-à-dire que la société francophone de mémétique est engagée dans une démarche où justement on essaie de repartir de ce qu'on appelle les solutions. Et de pas commencer par les mêmes, justement. D'accord. Ok. Alors, je vais vous donner Justement, un vous voulez pas exemple. définir le même. D'accord. Voilà, on veut pas définir le même, mais si vous voulez un exemple, j'en avais un en tête, justement, parce que j'entendais tout à l'heure Franck qui parlait de nouveaux mèmes. On va lancer un nouveau mème. Je vous cite un mème très ancien, par exemple, c'est la maison à 2 étages. À une époque, les hommes ont commencé à construire des petits escaliers qui leur permettaient d'aller sur le toit de leur maison et de construire un deuxième étage sur le toit de leur maison. Donc voilà un exemple de même, très ancien, la maison à deux étages. D'accord, ok, bon ben on va faire avec. Donc alors juste avant de commencer également pour représenter pour resituer la mémétique aujourd'hui, bon il faut savoir que c'est un mouvement qui s'est beaucoup eu jusque dans les années 2000, on va dire, et qu'aujourd'hui c'est un mouvement, je pense que vous serez d'accord, qui est un petit peu sur le déclin. Donc le principal journal de mémétique, le Journal of Memetics, il a arrêté d'imprimer, et la plupart des grands intellectuels anglo-saxons qui ont beaucoup poussé ce mouvement. Ils sont aujourd'hui tournés vers d'autres horizons. Mais vous, donc francophone de mémétique, donc promouvez cette théorie. Donc on va vous présenter rapidement si vous êtes d'accord. Donc j'ai pas trouvé grand-chose sur toi sur Internet. Je crois que tu es informaticien, c'est ça? Oui. Et je suis D'accord. actuellement en master de sciences cognitives. J'ai repris mes études dernièrement. Ah ok. Voilà. D'accord, ok. Donc D'accord, donc ça c'était Charles. Ouais. Oui, Ça c'était Charles j'étais un Baudouin. peu surpris par le. Je ne savais pas qu'on Et... s'adressait à moi. Oui, Franck, il y a des petites coupures de ton côté, Franck. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on capte pas toujours tous les mots. Donc Ah on n'avait pas zut. entendu que tu parlais à Charles. Ah zut, ok, d'accord. Bon, je vais essayer d'être plus bref alors. Comment est-ce que tu as rencontré la mémétique, Charles? Alors moi j'ai rencontré Allô? pourquoi ça marche plus? Si, ça marche, Ah t'entends d'accord, Charles. non j'entendais plus rien, c'est d'accord. Donc j'ai rencontré par rapport effectivement à tout ce qui se passe sur Internet globalement. Vous en avez parlé un peu dans l'émission la dernière fois, les canulars, les chaînes de mails, les choses comme ça. Des choses Ouais. qui nous sensibilise effectivement au fait que finalement, comment ça se fait qu'il y en a qui se propagent, les autres qui se propagent pas, etc. Et en retour, dans la vie normale, comment ça se fait certaines idées qui restent dans les cerveaux, et il y en a des autres qui encombrent l'espace de dialogue, que ce soit dans le discours ou même dans les comportements. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était une approche qui était intéressante pour aller vers Et l'étude de ces comment est-ce que domaines. tu l'as découvert cette approche, en particulier la mémétique? C'est en lisant les auteurs anglais ou comment c'est venu à toi? Au tout départ, je suis tombé dessus avec la notion d'idéosphère. Ah oui, d'accord. Et le fait de distinguer le monde des idées. Des humains qui les pensent et de se dire finalement telle idée, comment elle vit sa vie, etc. Ça a été pour moi la porte d'entrée qui a fait qu'ensuite je suis tombé dans les références de mathématiciens. D'accord, ok. Donc maintenant on va passer à Pascal Jouxtel. Donc Pascal, tu es ingénieur de formation, à ce que j'ai trouvé, Ouais. et tu as complété par un diplôme universitaire en automatique, c'est ça? Oui, effectivement, ouais. Et Et c'est pas ensuite tu as tout. étudié le marketing et le théâtre. Alors, en fait, ouais, j'ai fait du théâtre après l'automatique. Et il y a des points communs entre l'automatique et le théâtre qui m'ont amené vers une question que je me suis posée quand je faisais du théâtre, qui était qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? C'est une question pour un acteur qui est vachement importante. Et lorsque je faisais de l'automatique, je m'étais posé la question de comment est-ce qu'un code peut se transformer en action? Comment est-ce qu'un code peut gouverner les mouvements d'un robot, par exemple, un code informatique peut gouverner les mouvements d'un robot. Lorsque j'étais au théâtre avec mon théâtre qui était Stuart Side à la Rue Blanche, on se posait des questions comme ça sur, on appelait ça des bandes spectrales de comportement. Donc on essayait d'avoir une approche un peu scientifique des comportements. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Et ça m'a conduit vers le décryptage de toutes les influences qui nous constituent et toutes les choses qui passent à travers nous et qui s'expriment à travers nous et que là, ici et maintenant, on croit être soi, mais qui en fait viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, au moment où on pense, au moment où on agit, en fait, ce sont des choses qui viennent d'ailleurs. Ouais, donc ça, c'est la transition avec la mémétique. Voilà. Exactement. Et à ce moment-là, alors j'avais créé un site web au tout début de Wanadoo et tout ça. Ça s'appelait le bureau des contagions, contagion.com. Donc en fait, c'est un peu et le théâtre qui t'a amené à la mémétique. Oui, complètement. Ah d'accord, ok. Oui, c'est ça. C'est la question être soi-même. Et à ce moment-là, mon frère Christophe, qui est un méméticien et qui est également agrégé d'art plastique, m'a dit, tiens, tu devrais lire un type qui s'appelle Aaron Lynch, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Thought Contagion. Et tu verras, c'est très intéressant. Donc j'ai lu Thought Contagion et je me suis aperçu qu'il y avait tout un mouvement autour de la mémétique. J'ai commencé à lire Brody et puis ensuite naturellement j'ai lu Dawkins, le gène égoïste, et puis j'ai lu Bloom et j'ai lu ensuite beaucoup plus tard Suzanne Blackmore et j'ai commencé à m'abonner à la liste de discussion, la liste de discussion, comment ça s'appelait, Jam et Meet. Et donc c'est par internet. Complètement. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer ces mecs-là. C'est-à-dire que j'ai écrit à Brody, j'ai écrit à Lynch, j'ai écrit à Bloom. Et Bloom, il était dans sa piole en train de déprimer comme un fou. Et du coup, il m'a répondu, ah, tiens, c'est bien, il y a de la musique sur ton site, etc. Et on est devenus copains comme ça. Et en fait, je suis devenu petit à petit pote avec les méméticiens. Franck, t'es toujours avec nous? J'ai perdu une petite seconde, mais là je suis encore là. Ouais. Ok, parfait. D'accord, ok. Donc c'est comme ça un petit peu que t'es arrivé à la mémétique. Donc maintenant qu'on sait comment vous avez gagné ce mouvement, si vous êtes d'accord, on va ensemble redéfinir les principaux principes de la mémétique. Volontiers. Alors, qu'est-ce qu'un mème? Je vous l'ai déjà demandé, vous m'avez dit, vous voulez pas répondre. Non, mais alors, en fait, on c'est a pas une... qu'on veut pas répondre. On a une définition. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est Vas-y, cette définition Charles. C'est pas qu'on veut pas répondre, mais on est un peu ennuyé par l'ami Richard Dawkins, qui effectivement a lancé son mot avec sa définition à lui et quelques exemples comme ça, et ensuite il l'a laissé comme ça et il fait plus rien avec. Et c'est un peu ennuyeux parce que c'est un petit peu comme si il était venu dans le domaine des sciences sociales, si on fait le parallèle avec la génétique. Il y a un siècle, en disant tiens, je vais vous apprendre la théorie de l'évolution des êtres vivants, sans Mendel, sans Darwin, etc. C'est difficile. Et dans le domaine culturel, on en est un petit peu là dans un sens, c'est-à-dire que quand on va parler de reproduction, on se demande finalement ou d'hérédité, qu'est-ce que c'est? C'est quoi qui se reproduit? Qu'est-ce qui se reproduit? Et trop souvent, encore aujourd'hui, on entend ce qui se reproduit, c'est les humains. Donc, en fait, les humains, ils ont des mèmes qui seront des entités culturelles et ils se les repassent, mais pas par le génétique, par le culturel, donc de père à enfant, quelque part. Mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça, puisqu'il y a des phénomènes culturels qui sont largement inférieurs à la durée de vie d'un individu. Donc il faut trouver autre chose et cette autre chose là c'est les phénomènes culturels. D'accord. Donc c'est pour ça que pour nous le mème n'est pas forcément le point de départ, on le retrouve quand on étudie les phénomènes culturels en eux-mêmes, d'où l'approche de avec les solutions de Donc en fait vous voulez rompre avec le mème, vous voulez rompre avec le mème parce que c'est vous arrivez à mettre de définition qui satisfasse à tout ce qu'on pourrait nommer mème en fait, et vous préférez vous baser sur les phénomènes culturels qui sont en fait plus faciles, plus proches de notre quotidien tout simplement. Oui, voilà. C'est-à-dire en fait on voudrait pas comment dire, faire semblant d'effacer la période de recherche qu'il y a eu entre Mendel et puis Crick et Watson. Il s'est passé à peu près, je sais pas moi, 90 ans, pendant lesquels on a observé des choses, on a observé des petits pois, on a observé les mouches, etc. Et avant de pouvoir regarder de l'ADN au microscope, d'abord on a observé des animaux et des plantes. D'accord. Voilà. OK. Et nous, on voudrait repartir de ça. On voudrait des observables. D'accord. Parce que les mêmes, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne D'accord. peut pas en observer dans la nature. C'est un peu, j'ai un peu une analogie pour ça. Imaginez une institutrice qui emmène sa classe, dans la nature et qui dit, les enfants, on va observer des gènes. Et en fait, les enfants, ils sont très déçus parce qu'ils observent pas un seul gène. Mais en revanche, ils observent des animaux et des plantes. Et au bout d'un moment, ils D'accord, OK. s'aperçoivent que ces plantes et ces animaux sont différents, et ils sont différents parce qu'ils présentent certaines caractéristiques. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se reproduit, qu'est-ce que c'est qui se reproduit. Donc il y a, on pourrait très bien observer sur l'Internet, par exemple, des pratiques qui consistent à dupliquer des blagues, à créer sa propre petite TV vidéo. L'Internet, c'est un super beau terrain d'observation. On y voit, par exemple, une personne qui crée sa petite TV, donc qui fait des vidéos, et en ce moment, ça fait beaucoup de petits. Donc on pourrait très bien observer la propagation mémétique de ce genre de choses. Mais il y a des choses qui se passent et qui sont beaucoup plus profondes, comme par exemple signaler un abus. Vous voyez, vous avez un bouton sur les blogs et Oui. sur les trucs, signaler un abus. Eh ben, signaler un abus, c'est une chose qui commence à passer dans le comportement. Là, vous avez un exemple de même. Et le geste, je signale un abus, vous le retrouvez également dans le printemps arabe, vous le D'accord, retrouvez ok. dans l'affaire DSK, oui. Ok, Oui, Franck, d'accord, ouais, je en suis fait, si je résume, ce que vous discipliné, avez hein, dit, quand c'est je que... sens. Ah là là, on n'a pas de chance avec les coupures. Oui, allô? Ouais. Pardon. Franck, Si ça je coupe résume tout ce le que vous temps. avez dit, en fait, on n'a pas encore découvert le même. En fait, le gène, les effets du gène, le gène a été découvert après Bon, Franck, l'évolution. ça Et coupe en un fait, peu on fait trop, attends. l'analogie pour dire que comme on n'a pas encore découvert, on a découvert l'évolution. Ah oui, ok. Franck, attends 2 secondes parce que tu coupes beaucoup trop. On capte le début de tes phrases, mais on n'arrive pas à capter la fin. Mais je crois que j'avais saisi l'idée. Donc en fait, on a découvert la génétique avant de découvrir le gène. C'est pour ça d'ailleurs, Pascal, que tu faisais référence à Mendel. Donc Mendel, c'était ce moine autrichien qui avait observé des pois et puis qui avait compris finalement comment, enfin quelles étaient les règles. De la transmission de génération en génération. On évoque d'ailleurs encore ces travaux quand on parle, par exemple, de daltonisme ou des choses comme ça. C'est de la génétique mendélienne qui est derrière. Et puis quand tu as évoqué Crick et Watson, ça c'est en 1953, c'est la découverte de l'ADN, donc du gène finalement, enfin le décryptage de l'ADN. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait véritablement un gène derrière cette théorie de la génétique. Ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, on en est au même stade avec la même éthique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un mème, mais on l'a encore pas observé. Exactement. D'accord. Ça va même presque plus loin, c'est qu'on en est encore à discuter de qu'est-ce que c'est qu'un organisme vivant et comment il se reproduit. C'est-à-dire qu'on est même presque des fois avant Mendel. D'accord. Donc on Quand n'a je pas parle encore la d'organisme, théorie. le cadre en tout cas. Ok. Ouais, je vais vous donner un exemple amusant. Et concret que j'ai vécu. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'instruments de musique dans les foyers. Aujourd'hui, les gens pratiquent de plus en plus la musique. Les enfants en jouent, les parents en jouent, etc. Et pour mon anniversaire, l'an dernier, comme je savais que j'allais avoir une guitare pour mon anniversaire, j'ai invité des amis et je leur ai dit, amenez les instruments, venez un peu plus tôt dans l'après-midi, on amène plein d'instruments et on joue. Et du coup, il y a un gars qui est venu avec un synthé, il y a un qui est venu avec une basse, il y a une copine qui est venue avec un micro, un loop center, un violon, etc. Et on a joué, on a passé à peu près de 4 heures de l'après-midi à 4 heures du matin à jouer. Et depuis, j'ai un des amis qui était à cette fête, qui nous a invités à une autre fête où il y avait des instruments de musique et où on a joué. Et récemment, j'ai une copine, celle qui joue du violon, qui fête son anniversaire dimanche prochain et qui a envoyé un message à tous ses amis en disant: amenez vos instruments de musique, dites-moi ce que vous pouvez apporter, et puis venez à partir de 17h l'après-midi, on jouera, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qui se reproduit? Ce qui se reproduit, c'est une fête d'anniversaire où tout le monde vient avec ses instruments de musique et on joue. Ben là, je vois une illustration de ce que c'est qu'une solution, ce que j'appelle moi une solution, qui a été vécue par des gens, ça leur a plu, ils en ont gardé un souvenir. Et aujourd'hui, ils savent le reproduire à la faveur d'une soirée d'anniversaire. On est capable de reproduire ça. Et là, on peut distinguer le contour d'un mème qui est, ou d'un mèmeplex, une espèce de petit assemblage mémétique qui est venir avec ses instruments de musique et faire un bœuf pour un anniversaire. D'accord. Ça vous plaît? Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est une tradition qui me paraît très sympa. Si on essaye donc de comprendre ce que c'est que ce mème, ou tu l'appelles une solution aussi. Alors non, je n'appelle pas un mème une solution. Ah, d'accord. C'est comme je n'appelle pas un gène un animal. Ok. D'accord, la Solution solution, pour moi, c'est l'analogue de la créature vivante. D'accord, ok. Alors ça marche, comme ça on comprend Ok, bien. d'accord. Bah oui, Pour parce que moi, la notion sinon, est je vais importante. essayer, Alan, je vais essayer de continuer. D'accord, ça marche. Je sais pas si ça va continuer à couper comme ça. Si ça recoupe, bah, je vais définitivement quitter et changer de connexion, mais je vais essayer de continuer, d'accord? Ok. C'est super, ok. Donc oui, on va reprendre sur la définition de mème. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du mécanisme qui permet au mème de se répliquer? Donc là, dans votre exemple, par exemple, pour la fête de Noël avec les gens qui jouent les instruments, quel est le mécanisme psychologique qui va faire qu'on va reproduire quelque chose qu'on a vu? Tu vas, Charles, ou j'y vais? Ouais, je veux bien y aller en faisant un petit détour par l'histoire d'effectivement de la réplication qui n'est pas forcément à l'identique. C'est-à-dire que dans l'émission précédente, vous avez beaucoup parlé de l'objection de Sperber qui considère qu'effectivement les humains ne s'imitent pas les uns les autres d'une manière stricte Oui. et ne reproduisent pas les comportements à l'identique, mais ils reproduisent quand même des choses qui sont similaires. C'est-à-dire que si on regarde dans la vie de tous les jours, on fait pas mal de comportements qui sont les mêmes que ceux qu'on a fait la veille et qui sont les mêmes que les voisins. Mais Oui, pas d'accord. exactement pareil, à chaque fois avec certaines variations. Est-ce que ces Donc c'est ce. variations sont pas trop importantes pour bâtir quoi que ce soit dessus? Alors, c'est pas un souci, parce que si on considère qu'un comportement est donc comme l'expression phénotypique, le mème, il est au niveau du génotype, Ah, oui, ok. au niveau culturel. Et c'est-à-dire que de la manière au niveau de la reproduction sexuée, on a l'habitude d'avoir des individus qui sont complètement différents. Tous D'accord. les humains sont différents. Quand il y a un papa et une maman qui font des enfants, les enfants sont différents, mais ils ont des caractéristiques en commun avec les parents. Et donc, on considère que l'impasse qui consiste à commencer par dire on va chercher le mème et ensuite on va voir ce qui se passe, c'est effectivement là. C'est-à-dire que les solutions culturelles qui se reproduisent, elles se reproduisent avec des caractéristiques qui sont différentes, mais certaines D'accord. caractéristiques sont souvent là. En Et fait, c'est vous ces expliquez que... caractéristiques-là qu'on appelle des mèmes. D'accord. Vous expliquez que les variations entre ce qu'on observe dans l'imitation sont pas importantes parce que le plan de base, le plan à l'origine de ces phénomènes culturels est respecté, c'est ça? Bah, Oui, c'est un finalement, peu ce qui ça, ne ouais. change pas, c'est avec des instruments, par exemple. D'accord. Avec les D'accord. instruments, il va être là tout le temps L'idée, dans en toutes les fait. expressions. L'idée à l'origine de ce que nous on appelle des mèmes, mais on se trompe parce que c'est pas ça, l'idée, elle n'est plus pas en fait, elle est répliquée avec fidélité. Voilà, Oui, c'est ça. c'est Le ça, code de c'est. base est répliqué avec fidélité. Et D'accord, très bien. ça introduit une nouvelle Donc alors notion. dans ces cas-là, est-ce que la même éthique dans ce cas-là est une entorse? Enfin, qu'est-ce que vous avez à dire sur le libre arbitre? Ah, alors ça, c'est une super intéressante question. Et effectivement, elle est complètement incontournable. Disons que, alors, je veux pas m'emballer, hein, mais le libre arbitre, je m'en passe un peu. C'est-à-dire que, comment dire, si on revient au mécanisme de reproduction d'une solution, on peut dire, il y a une situation, des gens qui sont rassemblés. Ils vivent quelque chose ensemble, c'est agréable, ils s'en souviennent, Oui. et quelque temps plus tard, ils refont la même chose. Voilà. Ou alors, par exemple, je vais manger dans un bon restaurant, j'apprécie, je file l'adresse à un copain, et ce copain, va dans le même restaurant, etc., etc. Il s'est transmis un certain nombre de choses. On peut dire que moi et mon copain, on a notre libre arbitre. C'est-à-dire que à chaque moment, on peut dire qu'on est responsable de nos actes, on a fait nos choix, etc. Mais simplement, il s'est produit quelque chose avec la machine à choix qu'est l'homme. Tel qu'il est, c'est-à-dire que comment dire, si on Oui, mais considère les choses. ce que vous dites au travers de la même éthique, c'est que cette machine à choix, comme vous l'appelez, Ouais. elle est considérablement influencée par Encore, on n'a pas ce entendu la fin de la que question. l'environnement, par les observations qu'on fait, par les Oui, mêmes, alors, entre guillemets, bon, les. bah, il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut mettre les pieds dans le plat. La mémétique est une science, pas une science humaine, c'est une science transhumaine. Comment dire? Moi, j'ai utilisé une formule à une époque qui était la mémétique revendique, par exemple, une certaine autonomie du pensé par rapport au penseur. C'est-à-dire que, Oui. bah oui, effectivement, il y a des choses qui se passent en nous, il y a des choses qui se passent avec nous, mais si on regarde bien qu'est-ce qui fonde la. Si je vais vraiment loin, hein, mais vous me le demandez, c'est pour ça que vous m'avez invité, donc si je vais vraiment loin, le libre arbitre, c'est quelque chose qui est coadapté. Avec la responsabilité individuelle et notamment avec la capacité de punir. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de possibilité de punir. De Et voilà, punir, donc de punir, ouais. c'est-à-dire ou de Punir, responsabiliser. de responsabiliser. Responsabiliser du point de vue de la loi, responsabiliser et punir, quelque chose qui est totalement indissociable. C'est-à-dire que nos sociétés se sont construites avec des lois et des pouvoirs, des pouvoirs qui appliquent les lois et qui rendent les gens responsables devant la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a donc fallu pour construire ces sociétés une hypothèse qui consiste à dire chacun est responsable de ses actes, c'est-à-dire chacun a le choix. Mais si on regarde bien, D'accord. En fait, il l'idée du libre existe. arbitre, elle est uniquement. Oui, allez-y. Oui, l'idée du libre, vous êtes dedans, hein. L'idée du libre arbitre, c'est une construction dans notre société société qui est coadaptée avec un certain système D'accord. social, mais vous avez d'autres peuples, d'autres civilisations où, et d'autres moments dans notre histoire où il y a eu un peu moins de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qui est aussi destiné à compenser une prééminence très forte du divin, de l'ordre, de la religion. En revanche, D'accord. on vous accorde Mais alors juste, un libre arbitre. Pour conclure voilà. juste sur cette histoire de libre arbitre, finalement, est-ce quand que on... je pourrais apporter deux éclairages différents? Oui. Ouais. Ouais. Rapidement. Alors, je voudrais apporter deux autres éclairages, c'est que finalement, qu'il y ait un libre arbitre ou pas. Le résultat pour un méméticien, c'est le même, c'est que il y a des alternatives qui sont sélectionnées ou non, et qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont reproduites ou non. Donc finalement, comment ça se fait en réel, ensuite c'est libre à chacun d'étudier les phénomènes comme ils se passent. Et une autre remarque, c'est que j'ai lu ce matin que certains commencent à considérer que la culture est de plus en plus observable également dans le monde animal. Jusqu'à la drosophile, j'ai été très surpris qu'on considère qu'il existe une culture chez la drosophile. Et à ce moment-là, si on veut étudier ces phénomènes culturels, est-ce qu'on considère que la drosophile a un libre arbitre? C'est une vaste question aussi. Donc la drosophile, c'est la mouche de vinaigre. Ouais. Qui porte les mêmes lunettes que Lou Reed. Ouais, d'accord. Ok. Ben... Donc ça me donne une transition, donc en fait il existerait des mèmes pour les animaux. Enfin, je continue de dire mèmes, mais j'ai compris l'idée que vous vouliez plus du mème. La question que, c'est le phénomène culturel, donc ouais. À partir du moment où on accepte qu'il y ait une culture animale, oui. Ouais. D'ailleurs vous en avez parlé dans l'émission précédente avec les chants d'oiseaux, des choses comme ça, c'est tout à fait, tout à fait clair. Et puis des phénomènes oui, culturels, bon, on va les appeler comme ça à partir de maintenant, donc des phénomènes culturels qui transgressent la barrière interespèce, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il peut y avoir un mème d'oiseau à humain ou de singe à chat? Je pense que si on écoute suffisamment longtemps le chant d'un oiseau répétitif, on risquera de l'avoir dans la tête et peut-être qu'on va le siffloter un peu plus tard. D'accord. Et peut-être même qu'on va sortir un titre qui va être un ouais, meilleur ouais. vente et qui va passer en boucle à la radio. Toujours à propos de donc, ces phénomènes culturels, moi je me demandais quelque chose. J'ai remarqué que les aux, vous savez les mails, que, les chaînes de mails comme ça, étaient souvent véhiculées par les gens dans mes connaissances que pas forcément le plus haut dans, disons, l'échelle de l'intelligence, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me demandais... Alors ça, et je me disais, ouais, c'est un jugement de valeur. Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'intelligence, si on accepte qu'il y a une échelle d'intelligence, elle protège contre les mêmes ou est-ce qu'au contraire, elle favorise leur développement? Et à ce propos, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, oui, on t'entend. À ce propos, Suzanne Blackmore dit que le cerveau humain, donc Suzanne Blackmore, c'est une méméticienne renommée, dit que le cerveau humain a évolué pour favoriser les mêmes. Donc ça serait plutôt en faveur d'une intelligence qui favorise les mêmes. Alors bon, bon, moi je suis d'accord avec avec Suzanne sur ce point. On peut se dire que les comportements qui favorisent la transmission d'informations et qui favorisent l'émergence d'une culture ont probablement créé un effet de feedback positif sur l'augmentation de la taille du cerveau. Donc ça c'est un truc qui me semble comment dire assez crédible, le fait que la culture est permis quand on regarde l'évolution du pourcentage d'énergie au repos du corps qui est consommé par le cerveau entre les préhominiens et aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de divergence vers à peu près 10-12% de l'énergie du corps au repos chez les préhominiens, on retombe à 8-9% chez les singes et on part à 23-24-25% chez Homo sapiens. On en est à 25% chez nous. Alors, d'accord, ouais. La la thèse selon laquelle l'activité conceptuelle requiert plus d'énergie et que ça va aussi avec le régime alimentaire carné des humains, etc. Ça me va bien. Maintenant, quant au lien avec l'intelligence, je pense que c'est autre chose. L'intelligence peut être mesurée par tout un tas de manières différentes. Il y a eu une époque, à l'époque du QI, on a privilégié l'intelligence logique, on a privilégié une intelligence qui était basée sur essentiellement le maniement du langage et des mathématiques et un peu de la géométrie. Voilà, donc ça c'est une forme d'intelligence, mais qui est à distinguer de une forme d'intelligence particulière qui est la connaissance de soi. Oui, et non, mais j'aurais d'accord, mais... tendance à dire que la connaissance de soi permet davantage de se déconditionner que l'intelligence pure du type je suis polytechnicien ou je suis normalien. Oui, non, mais ça d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais quelles caractéristiques finalement favorisent la réplication des mêmes caractéristiques intellectuelles alors? La non-connaissance de la mémétique. Bah, disons que quand, moi, je raisonne pas en termes de réplication de mèmes parce que je considère pas les mèmes comme des éléments minoritaires, ni comme des virus, ni comme des éléments minoritaires de la culture, mais je considère les mèmes comme comment dire. Alors là, je vais vous donner ma définition comme oui, constitutif de la culture, comme le code de base de ce qui se reproduit dans la culture. C'est-à-dire que il y a des mèmes qui sont aussi profonds dans la culture que, par exemple, les gènes des vertébrés sont profonds dans le génome dans notre génome. C'est-à-dire oui, que oui. Le génome, les gènes qu'on partage avec le hareng, par exemple, il y en a beaucoup, on doit partager, je sais pas, 80, plus de 80% de notre génome avec le hareng, notamment le fait qu'on a un squelette, qu'on a un crâne, qu'on a du sang, qu'on a un cœur, voilà. Donc il y a des choses comme ça, dans le domaine mémétique, il y a des choses qui sont très puissante dans la culture, qui le fait par exemple qu'on habite dans des maisons, voilà, ce sont des choses extrêmement anciennes. C'est-à-dire que pour moi, il y a des mèmes profonds. Et voilà, c'est comme si on disait parce que les virus ont des gènes ou ont des petits éléments d'ADN, alors tous les gènes sont des virus. Ça c'est complètement faux. Et c'est comme si on disait parce que les mouches ont des gènes, tout ce qui a des gènes est une mouche. Ben non, il y a des choses aussi comme les éléphants, les baleines, les arbres qui ont des gènes et qui sont pas des mouches. Oui, donc tous les mêmes ne sont pas des lolcats. Quoi. Oui, ça j'ai bien compris, mais. Ouais. En fait, on est tous égaux face au même, finalement. Face au phénomène culturel, on est tous égaux, finalement. Bah, dans le sens où on ne peut pas s'en passer. On vit tous les jours avec. Et on peut ensuite, quand on est sensibilisé, voilà, y a pas on subit de des influences, qui... faire un peu un tri dans notre vie quotidienne, dans le flux des informations qui nous parviennent ou qu'on va redistribuer ou qu'on va reproduire par l'action. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir un certain recul et être déjà un petit chien sans le savoir. Quoi. En fait, nous, on est égaux par rapport aux mêmes, mais les mêmes ne sont pas égaux par rapport à nous. C'est-à-dire que certains mêmes ne peuvent pas s'implanter dans certaines cultures. Vous avez, je sais pas moi, certains modes de vie, certaines façons de s'habiller ne peuvent pas s'implanter dans certains quartiers ou dans certains milieux. Voilà, donc ça c'est plus au moment. Enfin, on pourrait dire que si un mème engendre des comportements qui sont voyants et du coup se propage. Hein, rappelez-vous l'histoire du sandwich. Le sandwich à un moment est né parce que Lord Sandwich est aimait bien jouer, alors je me souviens plus s'il joue aux cartes ou il devait jouer aux cartes, et pour pas la table de jeu, eh ben il a demandé à son majordome de faire servir des quelque chose, des tranches de viande, deux tranches de pain, quelque chose qui puisse se manger à la main, se tenir à la main, qu'il n'y avait pas besoin de couteau et de fourchette, etc. Voilà. Et du coup, cette pratique a été imitée. Et puis ensuite, le sandwich est allé dans différentes cultures, dans différents lieux. Et puis, parfois, il a rencontré le pita. À un autre endroit, il a rencontré le steak. À un autre endroit, il a rencontré le beurre. Enfin, voilà. Et chaque... comment dire, chaque mème rencontre une réceptivité dans une niche culturelle plus ou moins grande et une réceptivité même parfois individu par individu. Il y a des gens qui vont être plus sensibles au fait de, par exemple, mettre des lentilles ou des lunettes, des gens qui vont être plus sensibles au fait de, je sais pas moi, de oui, manger d'accord. dans les transports en commun. Enfin, ouais. D'accord, ok. Donc les mêmes ne sont pas égaux vis-à-vis de nous. Nous D'accord. sommes leur terrain. Voilà. Vous avez des plantes qui poussent sur un terrain argileux, des plantes qui poussent sur du sable, des plantes qui poussent sur du terrain humide. Et ben les mêmes par rapport à nous sont exactement comme ces plantes par rapport au terrain. Nous sommes le terrain de reproduction des mêmes. Notre communauté humaine constitue le terrain de reproduction de solutions. Et donc il va falloir qu'on en arrive aux solutions hein, au bout d'un moment qui se reproduisent ou pas. Ok, je retourne. Donc dans ce cas-là, quel est le rôle de l'homme? Ouais. C'est le rôle de oui, terrain. Oui, est-ce que c'est important? Alors Charles, peut-être en premier sur le rôle de l'homme. Ouais. Est-ce que c'est important? D'accord. Pour Charles, c'est pas important. Pascal? Bah, alors, moi, ce que je dirais, ce qui nous intéresse, c'est les phénomènes culturels. Le rôle de l'homme, Pascal a déjà commencé un peu à le dire, le rôle de l'homme, c'est de sélectionner. C'est-à-dire que en biologie, ce qui sélectionne, entre guillemets, c'est les conditions de l'environnement physique ou écologique. Et en mémétique, ce qui sélectionne les solutions, c'est la culture humaine en général, c'est ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, c'est une personne, c'est plusieurs personnes, c'est des conditions d'une situation. Donc le rôle de l'homme, il est là-dedans, il est qui va sélectionner ou non des comportements ou des messages ou des choses comme ça. D'accord. D'accord. Est-ce que l'homme est interacteur comme dans Dawkins? Dawkins exprime l'idée que les animaux, enfin comme l'homme, sont les interacteurs pour les gènes, pardon. Est-ce qu'il y a cette notion d'interacteur pour les mêmes également? Alors voilà, c'est dans là. Dans ce cas-là, l'interacteur, c'est la solution. Voilà. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que la solution? Pascal. Bien, j'y vais. Bon, la solution, c'est ce qui permet de passer d'une situation à une autre situation. Alors mon exemple préféré c'est celui du repas. Donc imaginez vous avez trois collègues qui sortent de réunion, il est midi et demi, ils ont faim. Oui. C'est une situation. We have a situation. Donc c'est une situation, vous avez trois personnes qui ont envie de rester ensemble, qui ont faim, qui ont de l'argent dans la poche, qui sont dans un quartier où on peut se faire servir à manger. Une heure plus tard, vous aurez des personnes qui n'ont plus faim, qui vont recommencer à aller travailler chacun de son côté dans son emploi du temps, qui seront suffisamment rassasiés de leur propre présence pour se séparer, qui auront un petit peu moins d'argent dans leur poche. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé une solution, c'est-à-dire que la situation initiale avait un certain potentiel de transformation. Attention, il se passe quelque chose, il y a des pompiers. Vous aviez une situation avec un certain potentiel de transformation. C'est-à-dire que trois personnes qui ont faim à midi et demi, ça ne peut pas durer très longtemps. Il y a un potentiel de transformation dans cette situation. Si vous attendez, Il va être 13h, 13h30, 14h. Les personnes vont devenir désagréables parce qu'elles auront trop faim. Et il va se passer quelque chose. La situation est instable. Voilà. Donc cette situation, elle va évoluer vers une situation plus stable, une situation qui débouche sur autre chose, avec un moins grand potentiel de transformation. Ce que je dis, ma définition de la solution, c'est ce potentiel de transformation, il va se décharger par un chemin que j'appelle une solution. Et cette solution, typiquement, c'est un repas. C'est-à-dire que ces personnes vont manger, elles vont s'asseoir autour d'une table, elles vont se faire servir à manger, elles vont manger. Ça, c'est une D'accord. solution. Et Voilà. la solution est constituée par des phénomènes culturels, par des mèmes. Disons que si, par exemple, vous allez manger des sushis, ou si vous allez manger au restaurant italien, ou si vous allez manger à la cantine, ce ne sont pas les mêmes mèmes. C'est-à-dire que au moment où la solution, là où la situation commence à se transformer, elle peut, selon le quartier où on habite, selon les gens, selon leur goût, etc., selon le budget qu'ils ont en poche, si par exemple il y a un restaurant super cher à côté de chez eux et que chacun a 15 euros pour bouffer, eh ben, ils vont plutôt aller se rabattre sur la sandwicherie. C'est-à-dire que les mèmes de la sandwicherie pas chère vont se reproduire et la solution sandwicherie pas chère va pouvoir s'instancier, va pouvoir se réaliser, mais la solution aller bouffer chez Taïwan ne Oui. va pas fonctionner parce que ces personnes n'ont pas assez d'argent. Donc D'accord. ça vous montre que à l'intérieur de la situation, il y a des gens avec une histoire, il y a des gens avec des capacité d'action avec avec des décisions et que dans cette situation il y a et notamment dans les mémoires de tous ces gens parce que s'ils ne connaissent pas les solutions possibles ils ne pourront pas les utiliser dans cette situation il y a tout le matériel nécessaire pour qu'une solution se déclenche Oui. et décharge le potentiel de transformation de la situation. D'accord, ok. Donc en Voilà. fait, l'humain n'est que l'environnement des solutions. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Bon, donc là, on a un petit peu compris votre modèle. On pourrait repartir un petit peu sur la même éthique en tant que science. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle permet de faire la même éthique? Est-ce qu'elle a permis des avancées techniques ou même idéologiques dans certains domaines? Moi, je dirais qu'elle permet une certaine lecture du monde. Une certaine lecture du monde. Elle permet aussi probablement de se déconditionner. Oui, ça, je comprends bien. Donc, il y a une de se déconditionner. Il y a D'accord. une comment dire. Il y a une vertu de la mémétique puisque son objet d'étude, c'est les influences qui agissent sur nous. Et les déterminants qui influent sur nos choix, beaucoup de gens qui s'intéressent à la mémétique sont aussi des gens qui ont une démarche de développement personnel. D'accord, ok. Donc il y a un intérêt qui est reconnu de la mémétique en tant qu'algorithme de déconditionnement et de développement personnel, une espèce de recul avec la manière dont on vit D'accord. voilà. Mais il n'y a pas encore, par exemple, de méthodes psychologiques ou de méthodes de développement personnel ou de choses comme ça qui sont vraiment basées sur la même éthique. C'est juste Non. un outil comme un autre. Ouais, pas à ma connaissance. Alors, en Alors, revanche, ce qu'il y a, y a ce qu'il une. faut bien Voilà. comprendre, c'est que la mémétique, c'est d'abord une hypothèse lancée comme ça par Dawkins dans un chapitre de son bouquin. Ensuite, il y a des personnes qui s'y sont intéressées, qui ont frotté un peu, qui ont essayé de voir ce qu'ils pouvaient en tirer. Donc, ils ont écrit des bouquins, ils ont développé leur approche personnelle, etc. Mais ce qui est assez délicat, c'est que à chaque fois, les gens ils viennent souvent aux clients, c'est-à-dire que tiens, qu'est-ce qu'elle permet déjà? C'est pas ah bah décidément, il y a du boulot. C'est vrai que ça a l'air intéressant. Allez, on vient avec vous pour essayer de faire des modèles plus clairs, pourrait essayer de les expérimenter par rapport à la réalité, etc. Et le fait de devenir en client, eh ben, ça casse un peu la dynamique, parce qu'effectivement, on attend qu'il y ait quelqu'un qui trouve la bonne formulation, la bonne expérience qui marche bien, et ensuite on dira, ah bah oui, c'est vrai que c'était bien. Ou alors ça marchera pas et c'est pas un souci. D'accord. Oui, mais enfin, nous, on vous demande à vous, parce que vous êtes justement les experts. Mais je pense que vous voulez dire, c'est que aujourd'hui la mémétique a besoin de bras, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, exactement. Mais vous voulez que je mette vraiment les pieds dans le plat? Si vous voulez que je mette vraiment les pieds dans le plat, bien sûr. Je vais vous dire, mon métier, c'est, je suis consultant, je travaille sur la conduite du changement dans les entreprises, et notamment je travaille sur l'évolution des comportements. Comportement professionnel dans les entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a une intention à la base, il y a une stratégie, et que ça relève pure éthique, de ma pure déontologie, servir des intentions que je trouve bonnes ou de servir des intentions que je trouve pas bonnes. C'est-à-dire que si je m'intéresse par exemple à la qualité de vie au travail et que je cherche comment faire évoluer les comportements dans les entreprises qui favorisent la qualité de vie au travail, ça peut avoir d'excellentes applications pour que les gens se sentent mieux dans les entreprises et dans leur travail. Si on me demande de faire évoluer les comportements dans un sens qui est on veut que les gens marchent courbés parce que les plafonds ne font plus que 1,50 m de haut, je vais dire stop. Il y a une époque où les l'évolution des comportements dans les entreprises peut parfois atteindre certains excès. Et la conduite du changement consistait à vaincre la résistance au changement des gens. Alors, si les gens ont une résistance au changement, c'est tout simplement parce que il y a des choses qu'ils aiment faire et des choses qu'ils n'aiment pas faire. Oui. Je ne sais pas si je suis clair. Non, je vois pas très bien où tu veux en venir. Je ne suis pas sûr de capter la métaphore non plus. Une des applications. À partir du moment où vous considérez que les solutions sont comme des créatures. Et que dans ces solutions, il y a des solutions comportementales, parce que la solution, le concept de solution est assez large. Vous avez des solutions pratiques, mais vous avez aussi des solutions comportementales. C'est-à-dire que dans la manière qu'une personne a de gérer une situation, les psychiatres, par exemple, parlent de solutions psychotiques. C'est-à-dire d'accord, que, d'accord. La manière d'ignorer une réalité. Non, mais ça, on comprend bien, il y a plusieurs formes de solutions. D'accord. Mais par rapport à votre métaphore, où est-ce que vous vouliez en venir? Donc, ce que je voulais dire, c'est que, juste avec votre métaphore, vous m'avez fait perdre le fil. Je suis désolé. Parce que ça n'était pas une métaphore. Ah, ben voilà. Ce que j'étais en train de dire à propos de conduite. C'était à propos de l'évolution des comportements. À propos d'évolution des comportements. À partir du moment où on considère que les solutions peuvent être traitées comme des analogues de créatures, c'est-à-dire vous avez la même analogie gène-animal, même solution. Oui. Si les solutions sont des créatures, vous pouvez en faire de l'élevage. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'élevage de comportement. Et si vous dites, par exemple, je veux changer les comportements de mes salariés vis-à-vis des clients, changer les comportements de mes salariés vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de la propreté, vis-à-vis de la qualité, etc., vous pouvez très bien utiliser la mémétique de la même façon que certains utilisent la génétique pour faire des organismes génétiquement modifiés. Vous pouvez oui, c'est un petit peu le, c'est un petit peu les régimes dictatoriaux. C'est un petit peu le principe de la propagande et des oui, voilà. Régimes fascistes. Alors, ouais, c'est ça. C'est lorsque comment les systèmes Pond a été traduit en italien, derrière le bouquin, ils ont sorti une phrase et je suis très content parce que c'est ma phrase préférée du bouquin. Et cette phrase dit comment agir lorsque les règles de l'éthique et les messages de la propagande sont écrits dans le même langage. Et vous avez au centre de la théorie mémétique, vous avez ça, c'est-à-dire que les règles de l'éthique, de la même façon que les règles de la diététique, sont des messages qui sont censés guider nos actions, mais la propagande, c'est aussi des messages qui sont censés guider nos actions. Oui, c'est-à-dire d'accord. Que la mémétique ouais. nous amène à prendre du recul par rapport à tout type de messages censés guider nos actions. D'accord. Mais ça, si je peux me permettre, on avait découvert la propagande avant de découvrir la mémétique. Donc en fait, c'est bien, on explique ce qu'on avait déjà découvert, en fait, quelque part. Bah, surtout, on a un modèle qui est un peu unificateur. C'est-à-dire que ouais. Le fait de dire, par exemple, les Pokémon et le christianisme, c'est pareil. Oui, d'accord. Ça, c'est nouveau. D'accord, d'accord. Le okay. fait de dire, signaler un abus sur Facebook et signaler un abus sur des SK, c'est pareil. Le fait de dire, bah, quand vous avez des gens qui disent dégage à leur dictateur ou à leur, simplement à leur président de la République, que ça peut se trouver dans pas mal de situations. D'accord. Ça c'est nouveau, c'est-à-dire que ce qu'apporte la mémétique, c'est de remarquer, de faire des liens et de dire que des choses qui relevaient de l'analyse politique, des choses qui relevaient de du marketing, des choses D'accord. qui relevaient de tout ça, en fait décrivent la même réalité, décrivent le même ordre de phénomène. C'est ça qui est nouveau. D'accord, ok. En fait, le point de vue, c'est que il ne s'agit pas de créer une nouvelle science qui va oui. tout expliquer mieux que tout le monde, mais au contraire d'apporter un angle de vue, une approche un peu nouvelle et de faire des liens entre des disciplines existantes qui étudient déjà des choses. Le principe d'adhérer plus ou moins à quelque chose, de prendre une décision personnelle ou collective, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont été évidemment largement étudiées, ou le fait de mémoriser plus ou moins telle ou telle information, ou de s'en rappeler. D'accord. C'est tous des éléments okay. qui existent déjà c'est indépendamment plus ça, dans des recherches spécifiques. Discipline unificatrice. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, ok. Plutôt bon, que de si l'opposition, voulez, l'idée, c'est de construire. L'opposition... J'ai été coupé, c'est ça? Ouais, Franck, j'ai pas coupé. Ouais, dis-le, Charles. Donc, plutôt que de chercher l'opposition entre plusieurs théories ou plusieurs approches, là, l'idée, c'est effectivement de construire des liens entre ce qui existe déjà pour expliquer, si possible, un peu mieux qu'avec une vision parcellaire des choses. D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, on va peut-être rapidement voir les objections principales à la mémétique. Par exemple, du manque de prédiction scientifique dont souffre toute la mémétique. Est-ce que vous avez est-ce que le but de la mémétique c'est de prédire et est-ce qu'on veut que le comportement humain ou les phénomènes culturels soient prédits? Je ne sais pas. L'autre réponse que je fais habituellement, c'est vous qui êtes plus biologiste que moi. Si on pose la même question dans le domaine de la théorie évolutionniste en biologie, qu'est-ce qu'elle permet de prédire dans le milieu naturel? Oui. Elle permet de prédire pas mal de choses. On sait qu'il y aura des, on sait que des espèces vont disparaître, par exemple, grâce à ce modèle-là. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que la même c'est sûr que a ce pouvoir de prédiction? C'est finalement ça la question. Oui, non, mais la mémétique a un pouvoir de prédiction. Simplement, elle travaille sur des réalités qui sont assez complexes et dans lesquelles il peut y avoir des retournements. Donc, la prédiction est aussi difficile que, par exemple, en météorologie ou des choses où les phénomènes sont un peu chaotiques. Mais je prends l'exemple de un exemple assez familier pour nous, l'opposition entre fumeur et non-fumeur, par exemple, ou l'opposition entre le port des lunettes et le port des lentilles. On aurait pu, si la mémétique était allée un cran plus loin dans sa maturité, on aurait pu prévoir, par exemple, que les lentilles que les lunettes, par exemple, allaient réagir, allaient répondre à la montée en puissance des lentilles par un apport d'esthétique et une revendication d'esthétique et de chic, d'élégance de la lunette. C'est-à-dire que les lunettes oui, seraient devenues mais ça, effectivement, vous l'avez pas prévu, justement. Et ça, on l'a pas prévu parce qu'il n'y a pas assez de travaux de mimétique. D'accord. On aurait okay. pu prévoir, donc... à partir du moment où les lunettes allaient commencer à revendiquer leur esthétique, on aurait pu prévoir que les lentilles allaient cesser, et là on n'avait pas été loin quand même de le prévoir, que les lentilles allaient cesser d'être invisibles et allaient devenir voyantes. C'est-à-dire que il y a un petit paragraphe dans comment les systèmes pondent, mais là, vous voyez, on est vraiment sur une émergence de quelque chose, mais il y a un paragraphe qui dit que le problème des lentilles, c'est qu'on ne les voit pas. Et quelques mois, disons dans les mois et les années qui ont suivi, on a vu une émergence des lentilles colorées. Qui était une forme de réaction par rapport au fait que les lunettes se voient et que quelque chose qui se voit a toujours un avantage compétitif dans l'évolution par rapport à quelque chose qui ne se voit pas dans le tissu social. D'accord. Voilà. On aurait pu prévoir l'émergence. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose que la même éthique a prévu, effectivement? On n'est pas en train de parler de voyance là. Non, je suis bien d'accord. Est-ce que vous avez des éléments concrets, des prévisions qui ont été vérifiées? Enfin, c'est juste une question. Pour répondre à ça, il y a deux approches. J'ai un exemple. Oui. Il y a deux approches. On fait des expériences en laboratoire. Alors attendez, peut-être pas tous en même temps, Pascal d'abord. Et Pascal, on t'entend pas très bien. Si tu pouvais parler plus près du micro. Ah pardon, c'est parce que d'accord, parce que tout à l'heure j'étais en train de voilà. Bah, je sais que moi ça va mieux, vous m'entendez bien plus. Ouais, mais... comme ça. Ah mais c'est terrible. J'espère que vous n'avez pas perdu tout ce que j'ai dit tout à l'heure et qui était. Non, bien sûr. Pas du tout. Par exemple, quand les personnes les plus riches du monde ont commencé à abandonner une partie de leur fortune, commencer par Bill Gates, Warren Buffett, etc. On a commencé à dire, il y a quelque chose à surveiller là-dessus parce que c'est une tendance qui va s'amplifier. Lorsque la question des salaires des dirigeants a commencé à être en question, on a dit, vous allez voir, il va y avoir de plus en plus de dirigeants qui vont dire on veut gagner, on est d'accord pour gagner moins, etc. Et 2 ans plus tard, il y a eu des dirigeants qui ont commencé à dire, ou des personnes qui ont des très hauts revenus, qui ont commencé à dire, mais taxez-nous, on veut être taxé plus, etc. etc. Donc, le fait que les personnes en France avec des très hauts revenus allaient commencer à adopter des comportements de renoncement et de dépouillement par rapport à leurs hauts revenus, ça c'est une chose qui avait été prévue. Autre aspect, lorsque croyez-moi ou ne me croyez pas, mais lorsque les révolutions arabes ont commencé, lorsque les révolutions arabes ont commencé, je faisais partie d'un réseau de veilleurs, de signaux faibles, ce que vous voulez, et là on a commencé à dire si on suit une théorie mimétique, ça va se répandre. Mais est-ce que ces prévisions sont faites? D'accord, mais ces prévisions, vous les faites au nez, j'ai envie de dire, où il y a des arguments scientifiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est du... Oui, pour le moment, on n'a pas d'équation. D'accord. On n'a pas d'équation. Moi, j'ai un théorème. Ouais. J'ai un théorème qui dit que lorsque une forme capable d'influencer le comportement a une certaine visibilité dans la société, elle se répand. Elle se répand jusqu'à ce que il y ait un certain nombre de paramètres limitatifs qui limitent son expansion, comme par exemple les ressources nécessaires pour qu'elle se répande sont taries. Elle arrive au bout de de ces capacités de mobiliser les gens, ou alors une forme concurrente qui vient lui faire concurrence et qui occupe les mêmes ressources. Voilà. D'accord. Donc, ça c'est un théorème. On peut le confronter à une réalité, mais pour ça il faut du temps, il faut se pencher dessus. D'accord. Bosser, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez une remarque, enfin, désolé Franck. Oui. C'est Marco qui dit que puisque la théorie de l'évolution permet de prévoir que des espèces vont disparaître. Est-ce que justement la mimétique ne permet-elle pas de prévoir la disparition de, enfin, qu'il y aurait des phénomènes culturels qui pourraient disparaître, enfin, qui... Oui, bien sûr. Il suffit de voir si on considère, pour bien comprendre, il faut se situer dans le cycle de reproduction des solutions. Si on prend par exemple une solution comme un message, comme dire quelque chose, là. La reproduction, elle va se faire d'humain à humain, donc il faut que les humains soient connectés entre eux, qu'ils discutent, qu'ils parlent de cette chose-là. Et donc pour qu'elle survive dans le temps, il faut que les gens en parlent, qu'ils s'en souviennent et qu'ils l'oublient pas, tout simplement. Donc tout ce qui est un peu du domaine du refoulé, du non-dit, des choses qu'on dit pas en public ou des choses comme ça, ça a tendance à effectivement à disparaître. D'accord. Il y a aussi une autre approche, c'est dans l'opposition entre deux manières de faire, entre deux cultures. Si on voit par exemple la culture des nomades ou des choses comme ça, on voit bien que c'est en perte de vitesse. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont disparaître, mais c'est quelque chose qui est le comportement a du mal à rester là. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre les enfants à l'école, donc à casser la reproduction de la culture nomade, et à mettre les enfants à l'école, à les apprendre à vivre en internat, etc. Et ensuite, il y en a beaucoup qui, effectivement, ne vont pas devenir ensuite nomades. Okay. Dans le domaine des technologies, il y a plein d'exemples. Vous avez un fax quelque part chez vous ou dans votre entreprise? Oui, ou là, vous... un très bon exemple. je peux vous dire que dans quelques années, vous n'en aurez plus. Voilà, donc je fais une prévision. La même D'accord, mais on a compris qu'en fait, vos prévisions, elles sont surtout, pour l'instant, elles sont, je dirais qu'elles sont pas très scientifiques, quoi. Elles sont. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles soient scientifiques? Par exemple, il faudrait une mesure. Si vous voulez, les prédictions pour la bourse, ils ont des formules, ils analysent les courbes, ils tracent, il y a tout un tas d'outils, je dirais, mathématiques qui permettent des courbes, de donner des tendances. C'est un des problèmes de la prédiction, en fait, c'est qu'à partir du moment où on connaît la prédiction, on influence ce qui va arriver et finalement la prédiction n'arrive pas. Ok, vous êtes en train de dire qu'il y a des théoriciens de la bourse qui sont capables de prévoir les cours de la bourse et de voir venir les crashs. Non, je pense que c'était pas forcément un exemple très heureux. ça se saurait effectivement si. Il y a des théories scientifiques comme les théories newtoniennes par exemple. Exactement. Qui permettent de dire que quand on lâche une boule sur elle un plan incliné, elle tombe et elle va arriver oui, en bas. Non, mais pour les cours de la bourse, c'est pas une science exacte. On a quand même des moyens. Mais je pense franchement que la mimétique peut avoir des choses presque équivalentes à ça. Que le théorème de propagation de forme, par exemple, c'est le fait qu'une forme qui est visible. Quand je dis une forme, ça peut être un comportement, ça peut être une forme de langage, ça peut être une forme reconnaissable. Ça peut être une stratégie, ça peut être une règle, etc. Le fait qu'une forme qui influence les comportements en société de telle façon qu'on la voit, qu'on la perçoit, elle va suivre une expansion, elle va se répandre, elle va se propager, voilà, jusqu'à ce que soit elle n'ait plus de ressources, soit elle ait des concurrents. Oui, ça c'est votre théorème. Cette chose-là permet de prévoir l'expansion d'une chose. Simplement, si on veut mesurer, prouver, prendre le temps de dire d'analyser les données, de fixer un horizon dans lequel on se donne un rendez-vous, et puis on va ensuite mesurer et puis vérifier qu'on a bien une mesure conforme à la prévision. Ça demande un boulot. D'accord. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a tout ce pas qui se beaucoup de passe gens qui sur sont capables de faire ce boulot. Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur Internet, au niveau du marketing, le marketing viral, toutes les choses comme ça, tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, c'est des gens qui font de la mémétique. Ils regardent dans quelle mesure un message va être plus ou moins apprécié et va être repartagé sur les réseaux, etc. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des notions de mémétique. Bien sûr, mais Là, cette année, je pourquoi ne est-ce sais qu'on pas les si appelle vous pas des avez remarqué méméticiens? dans les statistiques de. Alors ça, c'est la question de l'appellation, c'est totalement Ouais. accessoire. Mais cette année, par exemple, Non, mais parce que, en fait, si je Facebook peux a me permettre, publié sa mémologie, des statistiques qui parlent de la viralité, du taux de reproduction des si je peux me messages, permettre, ce que etc. fait le marketing viral, ouais. Mais il se donne pas le caractère scientifique, c'est-à-dire que ils savent qu'ils sont encore soumis au jugement humain, qu'ils ne peuvent pas prévoir. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait la mémétique, enfin, vous nous avez expliqué le contraire, mais on peut pas. En fait, on peut pas mettre de la science là où il y en a pas. C'est ça que je veux dire. Comment ça? Je comprends pas. En fait, la mémétique ne Vous prévoit êtes en pas train de dire que plus. les sciences humaines ne sont pas des sciences, en gros, et que, Si, enfin, voilà, mais je sais quand elles pas. ont des arguments objectifs qu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé pour la mémétique. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que les gens qui font du marketing viral ne s'appellent pas des méméticiens? Parce que Parce qu'ils ne qu'est-ce qui veulent leur pas, manque en c'est fait, tout. finalement? Eux-mêmes ne se revendiquent pas de la mémétique. Parce qu'ils ne le veulent pas. Et Oui, pourquoi, à c'est votre ça. avis? Parce que ça leur rapporte Et il rien. faudrait leur demander. Mais Écoutez, c'est pourquoi est-ce pas. qu'ils ne veulent pas? Il faudrait leur demander. J'en sais rien. D'accord. Ok. Bon, d'accord. Si vous avez l'occasion d'en interviewer certains, ça sera avec plaisir. On leur D'accord. posera la question. Moi, je vous propose qu'on passe à la suite là, parce qu'on l'heure tourne. On arrive gentiment au bout de l'interview. On avait quelques questions à vous poser relatives à l'association, par exemple. De combien de membres est-ce qu'elle se compose? Est-ce que c'est une association importante? Pas trop, quelques dizaines de personnes soutiennent l'activité et encore moins ils travaillent activement. Mais il y a cette question effectivement de positionnement, c'est-à-dire que vous dites finalement pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui font de la mémétique? Si on inverse les choses, où est-ce que la mémétique peut se loger? Il faut, pour que la mémétique soit une approche qui soit acceptée, il faut qu'elle entre soit à l'université, donc par le biais d'étudiants ou de professeurs qui soient sensibilisés aux questions, etc., et qui souhaitent travailler là-dessus et qui trouvent des financements sur ces sujets-là, ce qui n'est pas non plus toujours facile. On connaît quelques personnes qui sont sensibilisées, d'accord, et qui voudraient travailler dans ces directions, mais qui le peuvent pas pour des raisons de ressources, tout simplement, qu'elles soient financières ou temporelles. Autrement, c'est les entreprises, parce qu'elle l'a montré, on le voit aussi dans le marketing, c'est un domaine qui est très intéressé par lui, mais qui communique pas forcément trop sur les travaux qu'ils font, parce que souvent ça peut rester en interne. Et autrement, ce qui reste, c'est le milieu associatif où finalement en loisir, quand on a un peu de temps, on se regroupe, on partage des références, on discute, on cherche à faire des choses, mais effectivement, il y a un manque de ressources qui est assez criant. Donc, Ouais, voilà. vas-y si tu veux, Alan, si tu veux continuer sur l'association. Ok, il y aura plus beaucoup de questions parce que là vraiment on touche au bout, quoi. On arrive aux dernières minutes de l'interview. Si vous pouvez peut-être juste nous dire l'un et l'autre comment a évolué l'association depuis qu'elle a été créée, quels sont les grands moments que vous en retenez? Bah, elle est assez stable en fait, cette cette association, elle est stable dans son nombre. Et en fait, elle sert uniquement à planter un drapeau. C'est-à-dire que le monde n'a pas besoin de beaucoup de méméticiens. Et on n'a pas besoin de comment dire, on n'a pas besoin d'une structure énorme parce qu'on a simplement besoin d'un point fixe. Et la société francophone de mémétique, elle joue uniquement ce rôle-là, celui d'un point fixe. Et un point, ça n'a pas besoin d'être très étendu. Ça a simplement besoin de rester toujours au même endroit. Et c'est ça que fait la société francophone de mémétique. Elle reste toujours au même endroit. Et pour ça servir permet de point aux gens de se retrouver, pour servir de point de rencontre. Et justement, on peut parler de ces bonnes nouvelles qu'on a eues récemment. Mona Aboud, qui est une méméticienne libanaise, s'intitule Société libanaise de mémétique. Nous avons un ami qui s'appelle Monsieur Bouli, qui est un universitaire tunisien. Qui est en train justement en liaison avec avec Mona de créer une société arabophone de mémétique en Tunisie dans la mouvance du printemps arabe de la révolution tunisienne. C'est quelque chose qui est pas innocent du tout de se dire qu'il y a une société arabophone de mémétique qui est en train de se créer. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde pour ça. Il y a juste besoin de rester où on est et de dire, voilà, nous on est la société francophone de mémétique, il y a une société libanaise, il y a une société arabophone, il y aura peut-être une autre, d'autres sociétés de mémétique, mais simplement on reste là et on tient notre cap. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont... anthropologues, qui sont psychiatres, qui sont des gens qui font des économistes, des philosophes, et qui commencent à introduire dans leur pensée, dans leur mode de raisonnement, des façons de concevoir le monde qui viennent de la mémétique. Personne ne dit on fait de la mémétique. Sauf une poignée de méméticiens qui sont contents avec ça et qui disent ok, nous on est des méméticiens. Et autour de ça, autour de ce point fixe, eh ben, il y a un mouvement qui se crée. Exactement comme quand vous voulez tourner en ski, vous plantez le bâton au sol. Eh ben, la société francophone de mémétique, c'est ça. On plante le bâton au sol. Puis il y a des changements qui se produisent autour. En fait, c'est une très jolie métaphore. Dans l'absolu, qu'on se revendique méméticien ou non, ou qu'on dise je fais de la mémétique ou pas, ou je la fais avancer, ou finalement c'est pas forcément si important que ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on étudie, c'est les phénomènes qu'on explore et qu'on cherche à modéliser, à expliquer. Donc quelque part, le but de l'association, c'est d'en faire la promotion, mais c'est pas de la promotion dans le sens où on n'est pas forcément des militants à les tracter dans la rue pour dire venez nous rejoindre. C'est pas le but. Le but, c'est de rassembler les personnes qui sont sensibles à cette thématique et qui souhaitent soit la faire avancer, soit avoir des nouvelles sur son état d'avancement. C'est aussi très important. Pouvoir avoir une caisse de résonance. Moi, je vous fais une prédiction de méméticien pour conclure. Invitez-nous, on va conclure là-dessus. Une fois tous les 6 mois, et on aura toujours quelque chose de nouveau à vous raconter. Ah, bah, ça, c'est une bonne prédiction. Ça marche. Okay. Et puis, ok. Donc, moi, j'aurais retenu essentiellement de tout ça que la mémétique, finalement, est une théorie unificatrice des phénomènes culturels. Et c'est ce qui permet de faire le lien entre des choses qu'on observait avant dans différents secteurs, que ce soit l'économie, l'anthropologie, le marketing, la psychiatrie, la philosophie, sans forcément avoir fait la connexion entre elles. Est-ce que c'est une bonne conclusion ? Absolument. Parfait. Ouais, écoutez, je vous remercie. On va en rester là pour cette fois. Puis pourquoi pas, effectivement, peut-être dans 6 mois, ce sera toujours un plaisir. plaisir de vous recevoir. Ouais, très volontiers, très volontiers. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, on va passer à la suite de l'émission. Et on va enchaîner rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a 10 minutes avant la fin de l'émission. David, si tu es toujours avec nous, est-ce que tu es prêt pour nous parler de l'épisode de la semaine prochaine, qui sera donc un crossover entre ton podcast et le nôtre? Tout à fait, vous m'entendez correctement? Oui, ça a l'air. Alors, dans le prochain numéro, je vais donc vous parler de Post et de transhumanisme. Ce dossier sortira un petit peu du cadre habituel de Postcast Science, dans le sens où, plutôt que vous parler d'une théorie scientifique, je vous présenterai des idéologies qui sont reliées à la science par les espoirs qu'elles placent dans la technique. J'essaierai donc de vous présenter l'histoire de ces idées et vous expliquerez quelques notions comme singularité technologique qui sont un peu à l'origine du contexte, du concept. Ensuite, je m'attarderai sur quelques avancées technologiques présentes au futur qui font rêver les transhumanismes, le fait de télécharger sa conscience dans une machine par exemple, ce genre de choses. Je tenterai aussi de soulever quelques problèmes politiques et philosophiques posés par le transhumanisme. Enfin, je pense et j'espère qu'on aura un petit moment pour débattre tous ensemble autour de tout ça. La fin. Magnifique, t'as été rapide là, on n'est même pas arrivé au bout de la minute. J'étais trop court, merde. D'habitude on déborde un peu, mais c'est pas grave, là on va entendre le ding-dong à la fin. Bah, sujet drôlement bien vendu en tout cas. Là j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Ça m'a l'air totalement passionnant. Pour faire le lien avec le sujet de cette semaine, les mémétiques aussi m'intéressent pas mal. Je parlerai peut-être aussi de thèmes qui sont des espèces de mèmes technologiques dont Susan Blackmore a parlé dans l'une de ses TED Talks, je crois. Voilà. Ok, donc ça, tu nous en parleras aussi la semaine prochaine en nous parlant de transhumanisme. La semaine prochaine, oui, ça fera un petit peu le lien avec le sujet de cette semaine. Enfin, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir des mèmes. Enfin, une des questions de la mémétique aussi, c'est de savoir quand on retranscrit à l'écrit un mème, quand il quitte le cerveau humain, est-ce qu'il garde ce statut de mème, etc. Les thèmes, ce seraient des mèmes qui perdraient leur contact avec l'humain, c'est-à-dire qui auraient une autonomie de reproduction sans passer par l'homme. Voilà, désolé. Okay, bah, Suzanne, elle est un peu dans la fuite en avant quand même. Oui, tout à fait, oui, mais en parlant de fuite en avant, le post-humanisme ou le transhumanisme, c'est aussi pas mal de la fuite en avant. Donc Mais même à l'état actuel, quand on regarde les algorithmes actuels de recommandation de contenu, on peut dire que faire rentrer la technique dans la boucle de la reproduction plus ou moins grande de tel ou tel contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'avoir des humains qui choisissent de mettre en avant ceci ou cela. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que Google News pour voir qu'effectivement la machine est rentrée dans la boucle de la sélection de ce qu'on lit tous les jours. Tout à fait, mais au niveau de Google News, l'humain est toujours dans la boucle, dans le sens où c'est lui qui lit l'article, c'est lui qui part le fait de, enfin, qui génère les statistiques qui permettent à la machine de mettre en avant tel article et donc de faire qu'il soit lu par d'autant plus d'humains. Enfin, c'est un cercle vicieux entre guillemets, mais il y a deux acteurs. Tandis que il y a un mécanisme d'auto-amplification ensuite. Ouais. Voilà, tout à fait. Tandis que dans son idée de thème, si je l'ai bien compris, là, il n'y a plus du tout d'humain. C'est-à-dire que c'est juste des machines qui s'auto-répliquent, que ce soit dans un environnement complètement virtuel ou physiquement, quelque part, avec des robots qui sortent. Ça fait longtemps aussi qu'au niveau des algorithmes génétiques ou de l'évolution artificielle de créatures artificielles, on voit l'évolution qui agit sur des entités qui sont purement conceptuelles à la base et qui peuvent même avoir des répercussions au niveau de l'ingénierie. Absolument. D'ailleurs, Charles, j'en profite pour faire un petit plug pour le podcast de David, qui est consacré justement exclusivement à ces questions-là. David, tu peux peut-être nous dire où on te trouve sur Internet, comment on fait pour écouter ton podcast? Alors, vie-artificielle.com, voilà, petit tiret. Ok, puis à partir sinon, de là. Vous pouvez me trouver sur Twitter, @xilrian, X L-R-I-A-N, et puis je pense que ça devrait suffire. Je suis pas trop dur à trouver. Ok, et je vous propose qu'on en reste là sur ce thème pour aujourd'hui, parce qu'il nous reste 5 minutes avant la fin de la mission. Il faut vraiment qu'on enchaîne. Alors, 2-3 petites nouvelles du podcast. Pour commencer, on a une homepage. C'est enfin, j'ai envie de dire, on a enfin une homepage. Elle n'est pas tout à fait finie, mais on avance, on y travaille. On y trouve donc les prochaines, enfin des teasers, des accroches pour les prochaines émissions. On y trouve des liens sur les 3 dernières émissions. On y trouve la dernière illustration. On peut browser dans les archives. Enfin voilà, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, même si c'est loin d'être parfait. On avance quoi, petit à petit. Et puis Franck, t'avais quelque chose à nous dire concernant quelque chose qui figure sur la homepage. C'est justement le sondage et les choix de sujet. Oh oui, je vais faire vite. C'était juste parce que je voulais revenir. J'ai proposé le sujet sur l'homéopathie, montrer des votes, beaucoup de votes négatifs. Donc je voulais juste préciser que c'était pas pour parler de l'homéopathie en elle-même, c'est-à-dire l'effet placebo, la mémoire de l'eau ou la dilution de Korsakoff, mais c'était pour revenir sur pour parler de l'enjeu qu'il y a derrière l'homéopathie, avec l'histoire de Boiron qui a attaqué le blogueur italien. Qui a menacé d'attaquer, pardon. Et donc en fait c'était pour parler du scepticisme, en fait c'était pour parler de l'approche sceptique, de la liberté qu'on avait à critiquer l'homéopathie et de l'enjeu épistémologique qu'il y avait derrière, en fait, que c'était pas du tout pour parler vraiment de l'homéopathie en soi, si ce n'est pour dire qu'il n'y avait pas de démonstration à ce jour, et pour défendre la liberté qu'on avait de remettre en cause la véracité de cette médecine. J'ai plus le mot. De cette médecine alternative. Alternative. Ouais, enfin, ça devrait pas s'appeler médecine du tout, d'ailleurs. Mais... ok, bon, écoute, t'as gagné mon vote. Ouais. Là, je vais aller cliquer sur le petit pouce qui monte. Bon. Sous cet angle-là, d'accord. Ça m'intéresse effectivement beaucoup. Donc, s'il y en a d'autres comme toi, allez-y, mettez votre petit pouce vers le haut, ouais, et j'essaierai de le faire. Si personne veut, bah tant pis, je ferai pas. Voilà, c'est ça. Histoire de sélectionner le sujet. Exactement. Donc ça coupait un peu, Franck, mais on a compris, en gros il faut aller voter, hein. On va cliquer sur le pouce qui pointe vers le haut. Voilà, ouais, okay. Désolé. Parfait. Il nous reste juste suffisamment de temps pour passer à la quote de la semaine, qui cette semaine est signée Hélène. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je vous propose en fait une quote, pour moi un peu en rapport avec la Saint-Valentin qui est mardi prochain. Et donc, encore un mème intéressant. Ouais. C'est de Jean O'Neill, qui est un écrivain québécois. La science, comme l'amour, est aveugle. Voilà pourquoi elle se plaît à prostatonnement. Voilà pourquoi elle se plaît à procéder par tâtonnement. Procéder par tâtonnement. Ça vous inspire une réflexion? Amour et tâtonnement, je trouve que ça va très bien ensemble. C'est très poétique. Merci Pascal. Moi, je voudrais rebondir sur le choix des sujets. Effectivement, vous avez une émission avec une durée limitée, vous êtes obligé de choisir vos sujets, et ça, c'est une pression de sélection très importante. C'est vrai. Tout ça pour dire? Donc, c'est un exemple de pression de sélection, c'est ça? Exactement. Oui, tout à fait. Et d'accord. Ensuite, comment vous allez prédire ce qui va passer ou pas? Eh ben, il faut chercher effectivement les détails de cette pression de sélection. Ouais, comment vous allez choisir avec les pouces, par exemple? Vous allez demander aux gens de voter, vous allez discuter entre vous pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en avant, etc. Ce qui va plaire le plus. Ouais. C'est comme ça qu'on peut prédire. Encore un champ de mémétique, quoi. Ouais. Et c'est marrant, il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Les 50 idées scientifiques les plus excitantes ou un truc comme ça, parmi lesquelles on trouve la mémétique, la théorie des mèmes. Et quand on regarde les auteurs, il y a Suzanne Blackmore dedans. Ah ouais, bah évidemment. Elle prêche pour sa paroisse. Non, ok, mais écoutez. Ça montre qu'il y a vraiment il y a des petits écosystèmes qui se forment, quoi, pour soutenir les choses, quoi. Bien sûr, des niches au sens évolutionniste. Ok, oui. On va en rester là pour cette semaine. Alors, on fera peut-être un point dans 6 mois ou peut-être déjà la semaine prochaine avec le crossover avec David. Mais là, pour cette fois, c'est fini. Nous ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à tous. Et puis merci à nos invités d'être passés par vos virtuels de Podcast Science. On espère vous entendre bientôt. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut. Salut.